Dans l'épisode précédent, Paul Cardo, sur les conseils de Roy, un éleveur de chevaux, a investi dans un étalon. Mais ce dernier s'avère incapable de gagner une course. Il a fini dernier. Roy Penbrick m'a roulé et m'a vendu un cheval croisé avec un âne. Victor, le patriarche, décide de prendre les choses en main. Quand le chemin de la gloire est bloqué, il faut savoir prendre des routes plus dangereuses pour arriver à destination. Il demande à Marc, son fils malade, de devenir garçon d'écurie pour son adversaire. Il compte ainsi empoisonner les chevaux de son concurrent. Tu vas insérer dans leur nourriture de la morora. Tu verras qu'après leur dîner, les chevaux de Penbrick n'auront plus de quoi fouetter un chat. Voici le 8e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé « Les sabots de la victoire ». Ce que j'aime dans le tiercé, c'est quand on est sûr du résultat. Et le tiercé, c'est ton dada. Notre cheval va courir vers la victoire. Et si tout se passe bien, nous devrions remporter beaucoup d'argent. Allô? Papa, je viens de voir que tu as parié 10 000 dollars sur notre cheval. Oui, je tente le tout pour le tout, Paul. Mais ce canasson n'a rien d'une poule aux œufs d'or, à part peut-être qu'il galope comme une volaille. Écoute-moi bien, quand les concurrents principaux sont affaiblis, c'est là qu'on sort les outsiders. Et en outsider, tu t'y connais. Oh, vous avez truqué la course. Marc a soigneusement donné de la morora à tous les purs sangs de Roy Penbrick. C'est très bien joué. J'ai rattrapé tes erreurs. Je ne te demande qu'une seule chose. Trouver un jockey pour monter couscous. Notre cheval gagnant. Je m'en occuperai. Attention, dans la 13e, tous partants, les chevaux sont prêts au départ pour le Grand Prix de la Gazac montée. Il vous reste une heure pour parier avant le début de la course. Victor, salut! Roy Penbrick, le vendeur de mulets, l'escroc des champs de course? Ah, vous êtes intrépide dans la famille. Vous vous obstinez à faire courir couscous. Tu nous as peut-être vendu un cheval qui galope dans la semoule. Mais je suis certain qu'il y a de l'or sous ses sabots. Je pense qu'il faut gratter beaucoup avant d'en trouver. C'est comme l'intelligence chez les cardos. Elle est enfouie sous une montagne de fumier. Oui, allô? C'est Victor, Paul. Je voulais savoir si tu étais avec notre cheval. Oui, je suis à côté de la chose. Tu as trouvé un jockey professionnel? Ah, vu la cote désastreuse qu'il a, personne ne souhaite le monter. Heureusement, j'en ai trouvé un au Macumba Club. Il est doué? Ah, en fait, il est plutôt disque jockey que vraiment un jockey. Quoi? Mais il est musclé, il est costaud. Ce gars-là, c'est un athlète, une baraque, il doit faire au moins 95 kilos. Tu sais bien que les cavaliers doivent être légers et petits pour ne pas être une charge pour l'animal. Trouvons un autre. C'est que la course est dans 5 minutes. Débrouille-toi. Marc, attends, où vas-tu? Au dispensaire pour me faire soigner. Je ne me sens pas très bien. Mais je remarquais ça tout à l'heure, tu as fondu depuis quelques semaines. Avec un foie amputé, je ne mange quasiment plus rien. Ouais, bien sûr. Tu sais ce qui te ferait du bien? De l'exercice. Je vois où tu veux en venir, Paul. Mais ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi pour monter couscous. Mais tu as le physique d'un jockey. Jamais. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! N'appuie pas sur mon foie, Paul! Eh bien, j'arrêterai seulement lorsque tu auras repris tes esprits et que tu empoigneras les rênes de ce cheval. J'y vais, Paul, si tu cesses de me martyriser. Dans quelques secondes, le départ va être donné pour le Grand Prix de la Kazakh montée. À signaler la participation de l'outsider Couscous monté par Marc Cardo. Espérons qu'il ne meure pas avant la fin de la course. Alors, Roy, confiant? Tellement confiant que pour cette course, j'ai parié ma Ferrari. Que le meilleur gagne. Le départ est donné, ça va très lentement. On dirait que les chevaux sont épuisés. Je vois Cyber titubant péniblement et oh mon dieu, je l'ai royal, Kazakh Pêche qui vient d'être victime d'un problème gastrique important et qui laisse derrière lui une traînée de crottin. Tous les chevaux semblent complètement déboussolés. Seul Couscous avance à un train de sénateur et c'est la grosse surprise ici car il franchit la ligne d'arrivée en tête. Lui que personne ne voyait gagnant, et bien il a créé la surprise. Tous mes chevaux pédalent complètement dans la semoule. Non. En matière de semoule, il fallait miser couscous. En pariant sur lui, nous avons gagné beaucoup d'argent. Nous sommes maintenant en mesure de relever la tête.